bien, on est content de s'entendre. Ça fait du bien, moi je suis content de t'entendre. Ça fait du bien, hier j'ai joué super longtemps. Ça fait du bien, je crois que j'en avais rudement besoin. Ça me fait kiffer. Est-ce qu'on s'entend bien?

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.